بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله يا إخوة. Aujourd'hui, pour nous ici à Médine, le 2 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 25 avril 2020. Nous démarrons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre lecture dans ce livre extrêmement précieux d'un grand imam de la Sunna qui est l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul, chapitre au sujet de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et il l'a appelé chapitre parce que c'est un livre concis mais extrêmement riche en faïda, qui traite un des plus nobles sujets dans l'islam et un des sujets les plus importants dans l'islam, qui est la connaissance de notre noble prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre nous permet de connaître un minimum sur sa biographie, sur sa moralité, sur ses batailles, sur ses efforts dans la da'wah et d'autres points qui sont en lien avec sa biographie. Aujourd'hui, dans une muqaddima pour ce dars, une introduction, nous allons voir quelques points qui nous seront utiles par la suite dans ce que nous allons étudier. Le premier point, c'est la définition de la sunna. La sunna, comme vous savez, dans sa définition linguistique, signifie la méthode et la tradition, qu'elle soit louable ou blâmable. Mais dans sa définition religieuse, la sunna englobe tout ce qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ses paroles, ses actes et ses approbations également. Et la biographie, as-sira, linguistiquement parlant, elle a la même signification que sunna. Donc la biographie et la sunna ont la même signification linguistique. Mais la biographie, dans sa définition religieuse, elle désigne la connaissance de tous les états de notre prophète alayhi salatu wassalam de manière détaillée depuis sa naissance jusqu'à son décès et tous les autres points qui sont en lien avec cela. Donc on voit à travers cette définition que la biographie englobe toutes les phases de la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam, depuis sa naissance jusqu'à son décès. Et ça va comporter la détermination de son noble origine, sa descendance, son ascendance, sa lignée généalogique, également connaître les particularités des Arabes desquels il fait partie, alayhi salatu wassalam, et leur mérite, et de connaître également la description physique du prophète, alayhi salatu wassalam, connaître sa moralité et son comportement, et beaucoup d'autres détails qui sont en lien avec notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Contrairement à sa tradition, sa sira, à la sira, à la sunna, sa tradition, alayhi salatu wassalam, qui va s'intéresser plutôt à tout ce qui est en lien avec les jugements religieux et les croyances et les règles de politesse et de bienséance et tout ce qui est en relation également avec ses recommandations et ses avertissements. C'est pour cela que la sunna, c'est un argument dans tout ce qui est rapporté dans la sunna. Ça représente un argument du moment que c'est authentique. Par contre, ça représente des arguments et que le croyant doit mettre en pratique. Et que le croyant doit mettre en pratique. Et dans lesquels il doit suivre le Nabi alayhi salatu wassalam. Selon les cinq ahkam taklifiyah, les cinq jugements pour le responsable, ça peut être obligatoire, ça peut être interdit, ça peut être recommandé, ça peut être détestable ou autorisé. Donc, il est tenu de suivre le Nabi alayhi salatu wassalam dans tout ce qui est rapporté dans la sunna, dans sa tradition, selon ses cinq degrés et selon la signification de ce qui est rapporté. Par contre, la biographie, il y a des points qui seront étudiés et qui permettent de mieux connaître le prophète alayhi salatu wassalam, mais dans lesquels il n'est pas demandé aux croyants de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Ou bien parce que c'est des points spécifiques à lui, ou parce que c'est des choses qui font partie de ses habitudes et qui ne sont pas religieuses. Mais les deux nous montrent, à travers la sira et la sunna, on apprend le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, on apprend comment il était vêtu alayhi salatu wassalam, comment il buvait, comment il mangeait, comment il dormait, et ainsi de suite parmi les différents points de sa vie alayhi salatu wassalam. Et de cette manière également, la biographie est intimement liée à l'histoire générale, car la biographie, en réalité, c'est une histoire spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui étudie la biographie, il doit connaître, avant d'entamer l'étude, les fruits et les bienfaits de l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un moyen afin de prendre le prophète alayhi salatu wassalam comme exemple et modèle dans toute notre vie. Comme Allah azza wa jalla a dit: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawm al-akhir." Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui évoque Allah beaucoup. Également, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un des moyens qui permettent de concrétiser l'amour d'Allah Azzawajal de manière pratique. Et que ça reste pas que des paroles et des prétentions. Même les Juifs prétendent aimer Allah. Mais quel est le signe que tu es sincère dans tes prétentions et que t'aimes Allah réellement? Parmi les moyens, c'est de suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et bien évidemment, sans aucun doute, On ne peut suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qu'avec la connaissance de sa biographie et l'étude de ses caractéristiques et de sa moralité et de sa vie de manière générale. Allah Azza wa Jalla dit: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit: si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et par rapport à ce verset, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il l'appelait Ayatul Mihna, le verset du test et de l'épreuve. Car comme j'ai dit précédemment, tout le monde prétend aimer le Nabi alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous pardonne nos négligences. Tous on prétend aimer le Nabi alayhi salatu wassalam. Mais quel est le signe que tu l'aimes réellement? C'est sans suivi. Et tu ne peux le suivre qu'en connaissant sa biographie alayhi salatu wassalam, et qu'en connaissant sa sunna de manière générale. Également, la biographie permet de connaître beaucoup parmi les jugements religieux qui ont été rapportés dans le livre d'Allah, dans des versets ou dans les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, dans ses ahadiths, et comment les mettre en pratique de manière correcte, c'est-à-dire comment avoir la bonne compréhension de ces textes, que ce soit dans le livre d'Allah ou la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, vous allez constater, nous allons constater ensemble ce que notre mère Aïcha radiallahu anha a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam était la mise en pratique de le Coran. Ce que Allah a ordonné, le prophète alayhi salatu wassalam le met en pratique. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Également, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam nous permet de savoir les textes qui ont été abrogés et ceux qui ne l'étaient pas. Les textes qui ont été abrogés et les textes qui n'ont pas été abrogés. Et ça, en plus de toutes les leçons et les moralités qu'on puisse tirer de l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. L'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam permet aux croyants de connaître le prophète alayhi salatu wassalam dans les détails, comme on a vu précédemment. Et ça permet d'ancrer l'amour, notre amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. Quand tu vois tous les efforts qui ont été fournis par notre prophète sallallahu alayhi wasallam, ainsi que ses nobles compagnons, pour propager cette religion. Et dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam également, nous verrons les différents signes de sa prophétie. Ayat al-Nubuwa wa dala'iluha. Et les contemporains les appellent mu'jizat. Mais chez Salaf, ils utilisaient l'ayat wa dala'il, les signes de la prophétie. Et les contemporains, ils emploient le terme mu'jiza, qui signifie quelque chose de miraculeuse. Et ce qui est plus juste, c'est les termes qui ont été utilisés par Salaf. Également, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam permet de connaître beaucoup parmi les secrets de la législation et ses sagesses Et ça, c'est en lien avec une science qu'on appelle maqasid al-sharia. Donc, celui qui étudie al-maqasid, il trouvera une matière très riche dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça permet également de connaître asbab al-nuzul, les causes pour lesquelles ont été révélés les versets, et également les contextes et les situations dans lesquelles ont été dites les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça te permet de connaître les causes pour lesquelles ont été révélés les versets. Bien évidemment, comme vous savez, dans le Coran, il y a des versets qui ont été révélés suite à des causes, à des événements, à quelque chose qui a eu lieu. Ensuite, Allah Azza wa Jalla révèle les versets par rapport à cet événement. Et ça, c'est pas la grande partie du Coran. La grande partie du Coran a été révélée sans qu'il y ait une raison. Mais il y a une partie du Coran par rapport à laquelle, ni laquelle a été révélée par rapport à des événements particuliers. Donc quand tu étudies la sira, ça te permet de relever ces causes-là. Et également pour le hadith. Pour le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ça te rapporte dans quelle situation le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce hadith, par rapport à quelle chose. Et ça, c'est extrêmement important dans la bonne compréhension. Également, à travers l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le croyant réalise la grande animosité et la grande haine qu'ont le kuffar de manière générale pour l'islam et les muslimines, et en particulier les gens du livre, et en particulier les juifs. Et ça lui permet de voir leur stratagème et leur ruse à l'égard des muslimines. Et les stratagèmes et les ruses sont toujours les mêmes, même à notre époque. Ça peut changer dans quelques détails, mais leurs objectifs sont les mêmes. Et les mobiles également sont les mêmes. Également, le croyant voit les grands efforts qui ont été fournis par le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons, pour faire propager la vérité et faire parvenir l'islam à tous les gens sur terre, parmi les hommes et les djinns. Et comment le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons ont contré ces stratagèmes, et comment ils ont brisé, yani, ce que ces mécréants ont fait pour empêcher l'islam de se propager. Et ça, c'est très bénéfique pour celui qui est dans la da'wa. Il prend exemple du prophète alayhi salatu wassalam dans sa da'wa également, comme il doit prendre exemple en lui dans ses adorations. Il doit prendre exemple également dans le prophète alayhi salatu wassalam dans la da'wa. Quand est-ce qu'il faut étudier, quand est-ce qu'il faut utiliser la dureté, quand est-ce qu'il faut utiliser la douceur. Et c'est ça qu'on appelle la sagesse, placer chaque chose à sa place qui lui convient. Et dernièrement, parmi les fruits de l'étude de la sira, bien évidemment, si on veut s'étaler sur les fruits de l'étude de la sira, il n'y a pas une science sans qu'elle profite de la sira. Mais on va se limiter à ce qui a été cité, mais sinon, toutes les sciences, elles profitent de la sira du prophète, alayhi salatu wassalam. À commencer par l'aqida, le dogme et la croyance, le hadith, le tafsir, l'exégèse, le fiqh, l'akhlaq. Dans toutes ces sciences, Tu profiteras de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et ça sera ton exemple et ton modèle dans toutes les affaires de ta vie mondaine. Que tu sois un père, que tu sois un frère, que tu sois un fils, une fille, une mère, ni afwan. Je disais que tu sois un père, que tu sois un fils, un frère, un grand-père, un ami, un époux, un dirigeant, un gouverneur, un prêcheur. Dans tous ces points-là, tu trouveras exemple chez le prophète alayhi salatu wassalam, car il a occupé toutes ses fonctions. Et tu reviendras vers sa biographie pour savoir comment te comporter avec ton épouse, avec ta mère, avec ta sœur, avec yani, les membres de ta famille, avec tes voisins, avec les musulmans de manière générale, avec les kuffars qui combattent l'islam, avec les kuffars qui sont pacifiques et qui ne combattent pas l'islam, et ainsi de suite. Tu trouveras un exemple dans tout cela en la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour les femmes également, elles trouveront exemple et modèle dans la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, dans toutes les choses qui sont communes entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est la plupart des législations de l'islam. Et les choses qui sont spécifiques aux femmes, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a montrées et les sahabiyat les ont pratiquées, radiyallahu anhun. Venons maintenant aux sources desquelles les savants prennent la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Quelles sont les sources de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam? La première source, c'est le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim, le livre d'Allah, le Coran, Al-Qur'an, dans beaucoup de versets, il traite la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, a été abordée dans beaucoup de versets, que ce soit la phase d'avant sa prophétie ou après. Et également, Al-Qur'an, il a parlé de la vie des Arabes avant l'islam et de leur situation religieuse, politique, économique, ainsi de suite, que ce soit avant l'islam. Et dans le Coran, également, dans beaucoup de versets, sont abordées les batailles qu'a menées le prophète, alayhi salatu wassalam. Et même, vous trouverez dans le Coran ce que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est une étude de ces batailles, une étude détaillée de laquelle les croyants peuvent tirer des leçons de ces batailles, quand il y a une victoire, quand il y a une défaite, ou un début de défaite, quelles sont les causes, et ainsi de suite. La deuxième source de laquelle on tire la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les livres de hadith. Les livres de l'hadith, tels que l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'authentique de l'imam muslim, les sunan de Nasa'i, de Abi Dawud, de Tirmidhi, d'Ibn Majah, d'Ibn Majah, les masanid également, tels que musnad l'imam Ahmad, les livres authentiques tels que l'authentique d'Ibn Khuzayma, d'Ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, et ainsi de suite. Tous les livres qui rapporte les ahadiths du prophète alayhi salatu wassalam représente une riche source pour la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Également parmi les sources, c'est les livres qui ont été faits par les savants spécifiquement dans lesquels sont traités les traits et les caractères du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle Kutub al-Shama'il. Donc, tous les livres de Shama'il, également, c'est une source pour la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Car dedans, vous trouverez des hadiths par rapport à la description physique du prophète alayhi salatu wassalam, et également des hadiths par rapport à sa moralité et son bon comportement, alayhi salatu wassalam, également sa façon de s'habiller, sa façon de manger, dormir, et ainsi de suite. Par rapport à les livres de Shama'il, le plus connu, c'est celui de l'imam At-Tirmidhi, Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Ce livre a été travaillé par les savants, expliqué, et parmi les savants qui l'ont travaillé d'un point de vue de l'ahadith, c'est l'imam al-Albani, rahimahullah. Il a fait son livre, qu'il a appelé Sahih al-Shama'il. Wallah alam. De mémoire, comme ça, il l'a appelé Sahih al-Shama'il, dans lequel il a gardé uniquement l'authentique de ce qui a été cité par l'imam Tirmidhi dans son livre. Et parmi les livres également très très connus, dans lesquels sont abordés les traits, les caractères du prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui de l'Qadi Iyad, rahimahullah, qui s'appelle Al-Shifa, Bit-Ta'rif fi Huquq al-Mustafa. C'est un livre très connu et très important parmi les livres de la biographie. Ce livre-là, il est plus complet que celui de l'imam Tirmidhi. Il traite d'autres points en plus de ce qui a été traité par l'imam Tirmidhi. Mais le point qu'il faut savoir, c'est que ce livre, il faut l'étudier avec un homme de science ou au moins avoir le degré de chaque chose rapportée dans ce livre. Car il peut y avoir des choses qui ne sont pas authentiques. Et l'imam Tirmidhi, c'est un imam parmi les imams du Salaf. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, malgré sa place dans la science, il a un sharh de l'authentique de l'imam Muslim sur lequel s'est basé Nawawi, rahimahullah, dans son sharh. Malgré ça, dans l'aqida, il suivait l'aqida al-Ash'ariya, qui était l'aqida propagée à son époque. Également parmi les livres desquels on prend la biographie, c'est les livres qui ont été faits par les savants spécialement par rapport aux signes de la prophétie, tels que Dala'il al-Nubuwa li Abi Nu'aym, un des premiers qui a été fait à ce sujet, et Dala'il al-Nubuwa de l'Bayhaqi rahimahullah également, et de l'Asbahani, trois livres très très connus par rapport à ce domaine. Également, on prend la biographie des livres qui ont parlé particulièrement de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses batailles. Et le plus connu à ce sujet, c'est celui d'Ibn Ishaq. Le plus connu parmi les livres qui traitent de ce sujet, c'est celui d'Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar Al-Muttalibi, qui est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Il a grandi à Médine, il a pris la science des savants, et son livre sur Sira, c'est le livre le plus connu, le plus célèbre. Il l'a appelé Al-Mubtada wal-Mab'ath fil Maghazi. Et ce livre, par la suite, a été résumé par un de ses élèves qui s'appelle Ibn Hisham. Et c'est celui-là qu'on a aujourd'hui entre nos mains. Et c'est celui-là qui est aujourd'hui le plus propagé. C'est Sira d'Ibn Hisham qui est pris d'Ibn Ishaq, rahimahullah. Donc, il l'a bien classé, il l'a bien travaillé, au point où les savants se sont occupés de ce livre plus que de son origine. Également, il y a d'autres livres par rapport à ce sujet, on se contente de celui-là. Également, les livres desquels on prend la sira, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les livres qui parlent des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses mérites et vertus. C'est-à-dire les livres qui citent les points qui sont spécifiques au prophète, alayhi salatu wassalam. Et par rapport à ça également, il y a beaucoup de livres qui ont été faits, dont un des plus connus, c'est celui d'Ibn Dihya al-Kalbi, rahimahullah, qui s'appelle Nihayat al-Sul fi Khasa'is al-Rasul. Et l'Izz ibn Abd Salam également, un livre qui s'appelle Bidayat al-Sul fi Tafdil al-Rasul. Ce livre a été travaillé par Sheikh al-Albani, rahimahullah. Également parmi les sources, les livres qui traitent de l'histoire de manière générale. Les livres qui parlent de l'histoire de manière générale, et comme on a vu tout à l'heure, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une partie de l'histoire. C'est une partie bien déterminée de l'histoire. Donc, dans les livres de l'histoire également, vous trouvez une partie réservée à la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi les livres les plus connus, c'est celui de l'imam Tabari, qui s'appelle « Tarikh al-Umami wal-Muluk ». L'imam Tabari qui est décédé en l'an 310 de l'Hégire. L'imam Tabari, bien évidemment, il est plus connu par son livre dans Tafsir, Jami'ul Bayan. L'imam Tabari, c'est le cheikh de tous les mufassirines par excellence. C'est un grand imam salafi, rahimahullah. Il y a d'autres livres qui parlent de l'histoire également. Parmi les livres importants pour la biographie, c'est les livres dans lesquels sont cités, on parle des compagnons radiallahu anhum. Les livres dans lesquels on parle des compagnons radiallahu anhum, tels que Ma'rifatu al-Sahaba li Abi Nu'aym, wa l'Isti'ab fi Ma'rifati al-Ashab li Ibn Abd al-Barr, wa Usd al-Ghaba fi Ma'rifati al-Sahaba li Ibn al-Athir, et le dernier qui est le plus connu, le plus complet, qui a pris tout ce qu'il y a dans les autres, c'est Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba l'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ce livre, bien évidemment, sa meilleure édition, comme vous le savez, c'est celle de Alam al-Kutub, celle de Alam al-Kutub, supervisée par le docteur Abdullah al-Turki. Également parmi les livres importants dans la biographie desquels on tire, qui représentent des sources pour la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle Kutub al-Tabaqat, c'est-à-dire les livres dans lesquels sont cités les classes des rapporteurs du hadith, des rapporteurs des hadith, génération en génération. Également vous trouvez une matière importante pour la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. La biographie du prophète alayhi salatu wassalam est caractérisée par le fait qu'elle est authentique dans ses grandes lignes. Qu'elle est authentique dans ses grandes lignes. Et certains détails par rapport à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ça peut ne pas être rapporté par des textes authentiques. Mais de manière générale, les grandes lignes et les grands traits de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam sont rapportés de manière authentique. Et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam également, elle englobe toutes les phases de sa vie, avant la prophétie, jusqu'à sa mort, et également ça peut aborder l'époque des califes bien guidés, des quatre califes bien guidés, Et d'autres savants, ils rajoutent encore, yani jusqu'à la fin des Sahaba, radiallahu anhu. Et beaucoup de livres ont été faits au sujet de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, dont le plus connu, de manière absolue, c'est celui qu'on a vu d'Ibn Hisham, As-Sira l'Ibn Hisham. Il est édité en 4 volumes, une ancienne édition égyptienne, ça c'est la bonne édition de ce livre. Comme vous savez, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, l'état du monde, avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, ça peut se résumer en un hadith authentique de notre prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il a dit « Inna Allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum, arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab » comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, de hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi sallam a dit qu'Allah azzawajal a regardé les gens de la terre, il les a détestés, arabes comme non-arabes. Il les a détestés tous, excepté quelques individus parmi les gens du livre, qui sont restés encore sur l'unicité. Mais sinon, shirk avait dominé la terre. Il ne restait que quelques individus. Et comme dans l'histoire de Salman al-Farisi, radiallahu anhu, un des derniers qu'il a rencontré, qui était encore sur Tawhid, il lui a dit, je ne connais plus personne sur terre qui est sur la même chose que moi. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ces ténèbres de l'ignorance et de l'associationnisme et du polythéisme qu'Allah Azza wa Jal a envoyé notre noble prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel il a éclairé le monde, il a illuminé le monde avec la lumière de la foi et de l'unicité. Ce livre que nous allons étudier bi-idhnillah, qui s'appelle Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul, parmi ses caractéristiques, c'est que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, déjà la première caractéristique, c'est son auteur. Un grand imam dans la sunna, un grand imam salafi, un grand imam dans la sunna, un des brillants élèves de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, un grand mufassir, un grand muhaddith. Donc, la première caractéristique de ce livre, c'est son auteur déjà. La deuxième, c'est que l'imam Ibn Kathir l'a tellement bien classé et l'a rédigé d'une manière excellente et simple. Il a commencé dans la première partie à parler de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de ses batailles. Et dans la deuxième, il a parlé des signes de sa prophétie et de ses traits et caractères, que ce soit ses caractéristiques physiques, sa description physique, ou sa moralité et son comportement, alayhi salatu wassalam. Également, il a parlé dans cette deuxième partie des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam. Les choses qui ont été légiférées pour lui et non pas pour la Ummah. Car comme vous savez, la règle de base dans ce que le prophète alayhi salam fait et dit, c'est que c'est pour lui et pour nous tous, pour toute sa Ummah. Car Allah Azza wa Jalla a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre. Donc on doit le suivre. Sauf quelques points que les savants, rahimahullah, ont énumérés et ont réunis dans des livres spécifiques et qui sont cités dans les livres de la Sunna de manière générale également, qui sont spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. Et cela, l'imam Ibn Kathir les a cités dans la fin de son livre. Ce livre, bien évidemment, c'est un livre qui a été fait et écrit à part par l'imam Ibn Kathir, dans lequel il a résumé ce qui est cité dans beaucoup de livres de la Sunna des savants. Et ce livre, malgré qu'il est concis et qu'il est résumé et petit dans son volume, vous allez voir à quel point il est riche dans le fawaïd et qu'il nous permet de balayer toute la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et de connaître énormément de choses sur sa biographie. Et ça, pour un début, ça peut être une excellente chose. Pour quelqu'un qui n'a jamais étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, il peut commencer par ce livre, car c'est un livre très très simple dans son style. L'imam Ibn Kathir, malgré que c'est un grand imam, et ça, c'est son style également dans le tafsir. Il n'utilise pas des termes compliqués. Il utilise des termes simples à comprendre. Mais celui qui veut un livre plus petit en volume, vous avez Mukhtasar Sira de l'Hafid Abdel Ghani, dans lequel il a parlé de Sira de Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam en quelques pages, et ensuite il a parlé de chaque compagnon parmi les 10 annoncés au paradis, d'une manière très brève également, en une page ou deux maximum. Ça aussi, ça peut être lu, afin d'avoir une idée générale de la biographie du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, et de quoi parlent les savants dans sa biographie. Mais là, comme vous allez voir, c'est plus détaillé, et c'est plus riche, bi'idnillahi ta'ala. Et parmi les points très très importants dans Sira, c'est de respecter le classement des événements. Et ça, ça a été fait par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce livre. C'est-à-dire qu'il va citer les événements dans un ordre. Il va les classer dans le temps. Et d'autres livres dans la Sira ne respectent pas ce point-là, pour une raison ou pour une autre, mais pour nous, c'est beaucoup plus simple de prendre les événements dans un ordre classé dans le temps. Voilà par rapport à aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, nous allons commencer par l'origine et la lignée généalogique du prophète, alayhi salatu wassalam, de sa naissance, bi'idnillahi ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous aider à l'adorer comme il aime, conformément à sa législation, et de l'adorer avec sincérité. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.